25. La soirée lyonnaise et l'open technology. Lu par François Chenel. La soirée lyonnaise et l'open technology. L'exemple du fonctionnement de la science académique est le plus évident et le plus massif des mécanismes de connaissances ouvertes, où les principes de divulgation rapide de nouvelles connaissances sont prédominants et dans lesquels un certain nombre de procédures facilitent et renforcent la circulation de celles-ci. Mais c'est loin d'être le seul. Et le passé propose plusieurs exemples de tels systèmes appliqués à l'industrie. Retour au XVIIIe siècle. Lyon est alors la deuxième ville de France, avec 143 000 habitants, dont un quart travaille dans l'industrie de la soie. Le commerce du textile lyonnais est renommé dans le monde entier et la ville livre une concurrence acharnée à Londres, compétition dont les Français sortiront vainqueurs tout au long du XIXe grâce à leur faculté à mettre sur le marché, très rapidement, de nouveaux tissus correspondant à la mode ou à l'évolution du goût. La raison ? Les tisserands et les marchands de la soirée lyonnaise ne cesseront d'utiliser et de perfectionner des métiers à tisser toujours plus rapides et plus efficaces, résultat d'une organisation collective de l'innovation où chaque inventeur est incité à divulguer ses trouvailles et à les partager. En face, Londres sera victime d'un système concurrentiel, où chaque inventeur garde son innovation pour lui-même, sans bénéfice collectif. Le verdict est sans appel. Si au début du XIXe siècle, Londres et Lyon comptaient un nombre similaire de métiers à tisser, 14 500 contre 12 000, en 1853, la différence entre les deux agglomérations est considérable, avec 60 000 métiers à tisser en service dans les soirées lyonnaises, contre 5 000 à Londres. L'organisation de l'innovation à Lyon n'a alors rien d'anarchique. L'ouverture et le partage des connaissances sont encouragés par une récompense attribuée aux inventeurs qui acceptent de divulguer leurs travaux. Plus astucieux encore, des bonus leur sont alloués s'ils acceptent de participer activement à la diffusion de leur invention. Le mécanisme prend la forme d'un quasi-consortium, la grande fabrique lyonnaise, qui fédère les artisans, ateliers et marchands impliqués dans le commerce de la soie. Le financement des primes données aux innovateurs est assuré par la Caisse du droit des étoffes étrangères, abondée par une taxe sur les importations de textiles étrangers. Les inventions primées sont exposées dans le bureau de la grande fabrique, non loin de l'église des Gobelins, où défilent tous les artisans désireux d'observer quelles avancées ont été mises au point. C'est le cas par exemple de Michel Berthet, à l'origine d'une amélioration du métier à tisser de Falcon en 1760. En échange de la divulgation de son invention, il reçoit 1000 livres, 600 tout de suite et le reste à la condition d'expliquer au maître garde comment l'utiliser et d'aider à l'installation d'exemplaires dans au moins 4 ateliers de la ville. Le métier à tisser de Jacquard, invention de rupture puisqu'il sera le premier à automatiser quasi totalement le tissage grâce à des cartes perforées, bénéficiera du même mécanisme en 1804 et sa diffusion, extrêmement rapide, sera assurée par l'imitation et les multiples perfectionnements que lui apporteront les artisans. Je cite « Les artisans inventifs, tisserands ou non, étaient rapidement informés de l'existence de nouveaux appareils. Ils regardaient fonctionner les nouveaux métiers à tisser, écoutaient les tisserands, parlaient avec les maîtres gardes, travaillaient sur les métiers à tisser primés et leur apportait des améliorations. Le système ouvert générait de gigantesques effets cumulatifs, écrivent Dominique Forêt et Liliane Hilaire-Pérez. L'exemple de la soirée lyonnaise permet d'identifier certains facteurs clés déterminant la réussite d'un système d'incitation à l'innovation collective fondé sur le libre accès au savoir. Selon Forêt et Hilaire, il faut surtout que les membres de la communauté aient tous l'impression de bénéficier de la mise en commun des ressources. Ce qui était le cas des élites lyonnaises, dont le sentiment communautaire était renforcé par la concurrence avec Londres. Tous les participants doivent collectivement partager la conviction que l'ouverture augmente la performance générale du système et que la diffusion des connaissances de l'un participe d'un jeu à somme positive. Si un nombre croissant d'acteurs du système a le sentiment d'être floué par la collectivité, le dispositif s'affaisse, miné de l'intérieur par la multiplication des stratégies individuelles, de privatisation des savoirs. L'exemple lyonnais finira d'ailleurs par imploser au XVIIIe siècle, sous la pression des revendications individuelles. Jacquard lui-même, devant le succès phénoménal de son métier à tisser, entrera en conflit avec la municipalité de Lyon, s'estimant insuffisamment récompensé pour sa contribution au bien-être collectif.